That's the sound of the police. J'ai entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Salut, bonjour à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Le Maglib est diffusé tous les mercredis de midi 5 à 13h30 sur JetFM 91.2 à Nantes et autour de Nantes, et sur jetfm.fr. Comme nous sommes en direct, vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission, au 02 28 25 23 88 ou nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net. Maglib M-A-G-L-I-B Riseup R-I-S-E-U-P. Vous pouvez aussi nous retrouver nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 décembre. Au menu de cette émission, nous allons commencer par la troisième partie du billet Food Track autour des lobbies bretons. Nous allons continuer par un son enregistré dimanche dernier concernant la marche des mamans de Mantes-la-Jolie et nous terminerons par les annonces. Eh bien c'est parti. C'est l'histoire d'un mec qu'on enterre, vite fait, mal fait, pour être bien sûr de jamais savoir de quoi il est décédé. C'est l'histoire de salariés qui boivent tout le jour et tous les jours, tous leurs sous, pour tenter d'oublier qu'ils travaillent dans un charnier. C'est l'histoire de villes entières, réduites au silence par un écrasant tabou liant tous les administrés. C'est l'histoire d'une région, jadis délaissée, politiquement décapitée, et récupérée par une poignée d'investisseurs n'ayant même pas eu à se baisser pour l'accueillir et la remodeler à souhait, selon leur volonté. C'est l'histoire d'une terre et d'une population souillée et soumise à une logique, et que l'on a contrainte et forcée à obtempérer. Cette histoire, c'est celle de la Bretagne. Et j'ai commencé à vous la conter les semaines passées en évoquant la désagrégation fasciste d'après 1945, période à laquelle a succédé la prise de pouvoir de technocrates et d'industriels bien décidés à rendre leur Bretagne chérie, forte et puissante. Et cela, même s'il fallait en passer par la dévastation de leur contrée et du peuple qui y vivait. Nous en étions donc restés à la construction des cercles de pouvoir des gros industriels bretons, parmi les plus fortunés, la plupart ayant fondé leurs empires entre les années 50 et 80, à l'instar des Pinault, Bolloré, Leclerc, Leduf, Doux, Bridel, aujourd'hui Lactalis, Le Roc, groupe Les Mousquetaires Intermarché, etc., etc. La liste est longue, et elle regroupe un nombre incroyable de multinationales, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit ici d'une stratégie de très longue haleine, déployée par le CELIB, le Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Comme je l'évoquais dans le précédent billet Foutrac, la Bretagne d'après-guerre est une région à la population pauvre, aux méthodes agricoles ancestrales et à la terre vierge de toute industrie. D'ailleurs, la norme, à l'époque, est à l'exploitation familiale, pratiquant la polyculture et l'élevage de quelques têtes de bétail, le tout avec très peu de mécanisation. Du coup, les rendements sont faibles, mais suffisants pour nourrir les populations aux échelles locales comme régionales. C'est sa faible attractivité financière qui a d'ailleurs longtemps protégé la Bretagne des griffes acérées des investisseurs. Mais la création du CELIB en 1950 lance les hostilités, avec un grand plan de désenclavement de la région. Le CELIB va s'appuyer pour cela sur les JAC, les Jeunesses Agricoles Catholiques, extrêmement influentes sur une énorme proportion de jeunes bretons à l'époque. Il va ainsi les orienter sciemment vers les confins de la société moderne, comprendre ici la remise en cause du modèle social traditionnel, l'abandon des exploitations familiales, ainsi que la reconnaissance de la légitimité de l'exode rural. Un cocktail de liberté rafraîchissant qui colle bien à l'air du temps, mais qui cache mal quelques nuances de manigance préméditée. Ces nouveaux comportements sociaux vont en effet grandement participer à rendre possible l'implantation de l'industrialisation, ainsi que le développement de l'agriculture intensive, redessinant irrémédiablement les contours du bassin breton, au profit des grands financiers évidemment. En quelques décennies, durant les Trente Glorieuses, vont alors jaillir du sol breton une myriade de grands ensembles agricoles, spécialisés principalement dans l'élevage avicole et porcin, jusqu'à ce que, dans les années 80, plus de 90% des terres agricoles de Bretagne soient uniquement dédiées à la seule alimentation du bétail. C'est ce qu'il faut bien nourrir l'insatiable appétit des énormes structures agroalimentaires, centralisant dans les tréfonds géants de leurs intestins industriels les différentes fonctions d'abattage, désossage, découpe, préparation, transformation, conditionnement, etc. De monstrueuses usines à viande qui, avec le temps, se sont mis à réclamer aux exploitants toujours plus de tonnes de bidoches à écouler sur les étals du marché mondial. Le hic, c'est que l'intensification de l'agriculture bretonne va s'avérer avoir quelques toutes petites fâcheuses conséquences sur l'environnement. Car s'il faut reprendre les bases, le porc, à l'instar de l'humain, est un être vivant. Ce qui signifie qu'il naît, puis qu'ensuite il meurt, et qu'entre les deux, il défèque. Une quantité de déjection qui peut atteindre plus de 20 litres par jour et par animal adulte. Or, une exploitation agro-industrielle compte aujourd'hui couramment jusqu'à 20 000 têtes, ce qui nous amène tranquillement au chiffre de 60 tonnes de déjection porcine produite par jour, soit 22 000 tonnes par an, et par ferme, s'il vous plaît. Et comme il y a aujourd'hui en France un peu plus de 1700 fermes-usines de ce type, cela nous mène au chiffre astronomique de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de litres de merde dont on ne sait pas se débarrasser en deux ou trois coups de cuillère à peau. Et qu'il faut donc stocker dans des cuves géantes, en attendant de leur trouver un emploi. Car, contrairement à Alexandre Benalla, tout ce lisier et ce de quoi il est constitué ne s'évanouit pas comme ça dans la nature, d'un coup d'un seul, juste parce qu'il est devenu gênant. Oh que non, bien au contraire même. Lorsqu'elle se dégrade, ces déjections composées notamment d'azote et de phosphore produisent alors nitrate et phosphate. Une sorte d'engrais surpuissant qui n'aurait jamais dû exister dans de tels taux de concentration naturellement, mais que l'agriculture intensive a su ingénieusement créer et que les exploitants ont ensuite utilisé, sans se faire prier et sans vergogne, comme fertilisant dans le but d'accroître toujours plus la rentabilité de leurs terres. Sans trop chercher non plus à savoir ce qui se passerait, après que ce lisier ait été surrépandu en épandage, après que ces terres et la végétation en aient absorbé le maximum de ce qu'elles pouvaient, après que le reste ait été emporté au loin par les pluies jusqu'aux rivières, jusqu'à atteindre le littoral et se jeter enfin à la mer, où il finirait bien par disparaître. Mais pas de chance. Malgré tout ce chemin parcouru, cet engrais surdosé n'a donc finalement pas disparu dans la nature. Au contraire même, puisqu'il l'a modifié en servant d'agent mutagène à des algues devenues célèbres depuis quelques décennies, les fameuses algues vertes. Leur développement est dû à l'eutrophisation, un mot barbare qui cache en fait un phénomène simple, caractérisant l'accumulation de nutriments dans un milieu donné, ce qui provoque par la suite une série de déséquilibres en chaîne, parmi lesquels, par exemple, on trouve le surdéveloppement de végétaux, tels que les algues, surnourris par le surplus de nutriments. Lorsque ces dernières viennent s'échouer à marée basse, elles finissent inévitablement par pourrir, dégageant une odeur putride qui a d'abord fait fuir les touristes des plages bretonnes à partir du début des années 70, date des premières marées vertes. Depuis, la région vit dans une bulle de déni. Lors des dernières décennies, les pouvoirs publics n'ont jamais voulu admettre que les algues vertes trouvaient leurs origines dans les excès de l'élevage intensif porcin, malgré des études claires et sérieuses publiées dès les années 80. Et puis, les algues vertes ne vont plus seulement puer, elles vont aussi désormais tuer. En pourrissant, les algues vertes dégagent de l'H2S, le fameux gaz à l'odeur pestilentielle, et dont la toxicité émanant de sa putréfaction va bientôt faire les premières victimes. Un jogger retrouvé englué dans des algues en 1989, un ramasseur d'algues tombant subitement dans le coma en 1998, la mort d'un transporteur d'algues en 2009 et l'intoxication grave d'un promeneur la même année, avant le décès d'un nouveau jogger en 2016 et celui d'un ostréiculteur cette année. Sans compter les morts animales, parmi lesquelles les 36 sangliers retrouvés sur les plages durant tout l'été 2011, à chaque fois dans les algues vertes. Et dans des lieux où les taux de sulfure d'hydrogène mesurés atteignaient entre 500 et 1000 ppm, c'est-à-dire le seuil de perte de connaissance, de coma et de mort par asphyxie en quelques minutes. Mais à chaque fois, les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte ces victimes. Les résultats des autopsies réalisées ne sont pas rendus publics, ou sont révoqués. En fait, si on attend quelques jours avant de réaliser l'autopsie, la décomposition du corps produit elle-même de l'H2S, ce qui suffit à invalider toute procédure. Astucieux. Voire, sinon, on a gentiment fait pression psychologiquement sur les familles des victimes, dans le but que l'autopsie ne soit pas réalisée, en mettant en balance le fait qu'un deuil est beaucoup plus difficile à faire face à un corps disséqué. Classe, non ? Bref, on n'a clairement pas envie que ces sombres histoires d'algues vertes s'officialisent. D'ailleurs, les algues vertes, ça n'existait pas. Et cela, au moins jusqu'en 2009, où un plan algues vertes est modestement lancé. Leur toxicité est alors officiellement reconnue. Mais évidemment, pas la responsabilité des agriculteurs, ni des décideurs économiques du monde agricole ou agroalimentaire, qui continuent donc d'œuvrer à instiller le doute dans l'opinion publique à propos de l'origine des marées vertes. En attendant, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'algues vertes sont ramassées sur les plages bretonnes pour être envoyées dans des usines de retraitement. De maigres rustines qui, à cause de la trop grande quantité d'algues, ne peuvent réussir complètement leur mission, sinon celle d'éviter de cibler les vrais responsables et donc de trouver de réelles solutions. Et c'est d'abord cet aspect qui m'a sidéré lors de la préparation de ce billet foutraque, à savoir comment une telle omerta, flirtant souvent avec le grotesque, a-t-elle pu être instaurée à l'échelle non seulement de toute une région, avec la compromission assumée des plus hauts dirigeants nationaux. C'est qu'il faut se figurer la réelle situation de la Bretagne en 2019. À l'heure actuelle, une personne sur trois y travaille dans le secteur de l'agroalimentaire, dont la moitié dans l'industrie de la viande. Autant dire que les intérêts communs sont légion, tout autant que les pressions subies, qui sont finalement à l'eau quotidien, à de multiples endroits de cette chaîne alimentaire, au sommet de laquelle trônent les patrons des principales entreprises de la grande distribution. Ainsi, les employés des abattoirs et des chaînes de découpe subissent des cadences infernales, ainsi que des volumes énormes, seulement baissés lors de visites de personnalités officielles. Le reste du temps, la règle est d'humilier les ouvriers et ouvrières, de les casser, afin qu'ils acceptent sans broncher des conditions de travail atroces. Et pour celles et ceux qui ont résisté, il n'y a point de retour possible. Le travail les a tellement marqués qu'il les a fait littéralement muter, physiquement. Avant-bras, poignets et mains surdéveloppés, mais aussi troubles musculo-squelettiques. 90% de ces salariés en souffriraient à force d'effectuer des gestes non naturels répétitifs et développeront à terme des formes de handicap. Pour les éleveurs, la situation n'est guère plus enviable, subissant tour à tour les pressions des industriels, des coopératives agricoles, des syndicats, principalement à la FNSEA, et des pouvoirs publics. Des intimidations que les éleveurs répercutent eux-mêmes en les faisant subir régulièrement aux groupements écologistes, mais aussi à la population en général, par le biais de sphères d'influence, comme les conseils municipaux, et jusqu'au sein des lycées agricoles, afin d'en influencer les programmes dans le but de promouvoir leur sacro-sainte viande, à l'heure où de grandes questions éthiques se posent sur nos modes de consommation. Le système de pression tentaculaire et pervers de l'univers agroalimentaire est tel qu'il m'est franchement impossible de vous le décrire précisément dans le temps qui m'est imparti. Je ne peux que vous conseiller par contre d'aller écouter les podcasts de l'émission Les Pieds sur Terre au sujet de la fabrique du silence breton, qui traite de ce sujet de manière terrifiante mais édifiante. Et qui nous parle autant de souffrance que de violence humaine. Car c'est l'histoire d'une région qui ressemble étrangement au monde auquel elle appartient. Un monde où le profit est roi, où la domination broie, où le silence est loi et où l'humain est proie. Un monde surtout où se battre selon les règles sociales instaurées par les puissants ne suffit plus depuis longtemps. A-t-il seulement jamais suffi? Qu'importe finalement, puisque c'est l'histoire d'un monde qui mérite la mort, de celle qui l'a semé jusqu'à celle où il nous mène. Un monde coupable de dévorer ses enfants, coupable aussi de transformer ses victimes en bourreaux, d'autres victimes. Or il est temps, grand temps même, de devenir les bourreaux de ce monde-là. Et c'est à nous qu'il incombe de donner le coup de grâce, car soyons-en sûrs, personne ne le fera à notre place. Tu veux bâtir les cités idéales, détruis d'abord des monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Sans plus attendre, gagnons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, deviens le fossoyeur. Ta vie vaut mieux que d'être une machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature, et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure, nom de valeur quand leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris nul de vos désertés. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Que la nitro comme la dynamite soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, et de nos mots hâtons la guérison. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. on est toujours sur le magazine Libertaire, sur Jet FM 91.2 dans l'agglomération nantaise et jetfm.fr sur Internet. On va maintenant vous faire écouter le son de la marche contre les violences policières organisée par les mamans de Mantes-la-Jolie. C'était dimanche 8 décembre et c'était un an après que la police ait nassé et forcé 150 lycéens et lycéennes de Mantes-la-Jolie, 151 même, de Mantes-la-Jolie à se mettre à genoux, en silence, les mains derrière la tête et à rester ainsi plus de 3 heures avant de les placer en garde à vue. D'autres lycéens et lycéennes qui se trouvaient à proximité avaient été forcés par les policiers à regarder leurs camarades. Et comme si l'humiliation n'était pas suffisante, un flic avait publié une vidéo de la scène sur Twitter. Le tort de ces lycéens et lycéennes, ça avait été de se mobiliser contre la réforme du bac et de Parcoursup. Ce mouvement lycéen, il avait été réprimé un peu partout, mais du côté de Mantes-la-Jolie, comme dans tous les quartiers populaires, la police bénéficie d'une impunité totale et c'était donc permis un certain nombre de choses, dont du coup maintenir ces 151 lycéens et lycéennes à genoux 3 heures en silence, les mains derrière la tête. On vous laisse écouter le son. C'est un son, c'est un montage que j'ai fait à partir d'un son de la manif qui a été, à partir d'une vidéo, pardon, de la manif qui a été publiée par Cerveau non disponible. Côté violence policière, justice arbitraire, aide-moi debout. On lâche pas la paix. Plus fort, Mantois, debout. On lâche pas la paix. Et violence policière. Aime-toi debout. On lâche pas la paix. Et violence policière. C'est la marche des mamans, la marche de défense. Daronne, c'était contre Castaner. Daronne, c'était contre Castaner. Rejoignez-nous. Daronne, la manifestation va faire barbesque. Contre Castaner. Daronne, c'était contre Castaner. Contre la regret. Contre la regret. Le racisme d'État. Le racisme d'État. L'apartheid social. L'apartheid social. Contre toutes les violences policières. Contre toutes les violences policières. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Ouais, bon, bonjour à tous, on est à Barbès, donc c'est la marche des mamans, le rassemblement pour la justice et la dignité. C'est un an après les 151 lycéens et collégiens qui avaient été mis à genoux par les policiers. Qu'est-ce qu'on dit à Macron ? Leur blocus lycéen. C'est, on est le 6 décembre 2018. Qu'est-ce qu'on dit à Macron ? On est là ! Qu'est-ce qu'on dit à Castaner ? On est des terres ! Et voilà, c'est les mamans qui se sont organisées. Qu'est-ce qu'on dit à Blanquer ? Parce que si nos gamins, ils ont été assouillés ce jour-là à Mantes-la-Jolie, c'est notamment par rapport aux réformes scolaires. Contre ces putains de réformes scolaires que sont les réformes Blanquer. Donc qu'est-ce qu'on dit à Blanquer ? On est des terres. Blanquer, Castaner. On est des terres. Blanquer, Castaner. On est des terres. On va faire un bref rappel des faits. Le 6 décembre dernier à Mantes-la-Jolie, les lycéens ont décidé de faire blocus comme tous les lycéens de France à ce moment-là. Il se trouve que le 6 décembre, nos enfants, parce qu'ils manifestaient, ont été interpellés de manière complètement abjecte. Ils ont été traqués, ils ont été parqués, ils ont été agenouillés. Ils ont été humiliés, ils ont été insultés, frappés pour certains d'entre eux. Et ça a duré durant plusieurs heures. Vous avez vu cette vidéo ? Dites-vous qu'il y a l'avant, qu'il y a l'après, qu'il y a des conditions de garde à vue abjectes, que le droit de nos enfants ce jour-là, il n'a pas été à respecter. Et pourquoi ? Parce qu'on se trouve à ce moment-là à Mantes-la-Jolie. On se dit qu'on peut tout faire, que ces gamins-là, ils peuvent tout subir, parce qu'ils subissent déjà au quotidien des discriminations, la relégation, les violences policières, des violences qui sont arbitraires, les violences sociales, les violences racistes. C'est-à-dire que la violence aujourd'hui, elle fait partie de la quotidienneté de nos enfants. Et nous, on dit stop, c'est fini, on ne veut plus, classe. Donc aujourd'hui, on est déterminés, on marche à Paris et pas à Mantajoli parce que cette affaire, c'est une affaire nationale. C'est pas uniquement l'affaire de Mantajoli. À partir du moment où on a un gouvernement qui est capable d'agenouiller sa jeunesse, c'est un gouvernement qui est capable de tout. Un gouvernement qui est capable de tirer à bout portant sur des enfants, c'est un gouvernement qui est capable de tout. Donc aujourd'hui, nous disons non, nous disons stop, et nous nous mobilisons contre toutes les violences, qu'elles soient systémiques, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient sociales. On est déterminés. Cette marche, elle arrive un an après les événements. Et c'est pas juste un one shot, c'est-à-dire qu'on va pas marcher aujourd'hui jusqu'à la République et on va rentrer chez nous. Il y a une bataille juridique, il y a une bataille judiciaire. On est déterminés, on va la mener. Parce que si on n'est pas capable tous ensemble, nous les adultes de ce pays, pour que les droits les plus fondamentaux, ceux des enfants notamment, soient respectés, il sera permis à quiconque de rêver à un avenir meilleur. Paris, vous êtes prêts ? Je déterre ! Je déterre ! On est prêts ? On y va ! Monde déterre ! Voilà, ceux qui nous rejoignent, c'est la manifestation de la marche des mamans pour la justice et la dignité. C'est les mamans du collectif de défense des jeunes du Montois qui sont organisés et qui, un an après que 151 élèves lycéens et collégiens aient été mis à genoux de manière scandaleuse et inhumaine par les policiers, se sont organisés et ici font une manif à Barbès. Et voilà, ils sont bien déterminés à ne pas laisser faire ça et à dire que la défense populaire, ça concerne tout le monde, ça concerne les familles, ça concerne les mamans, les papas, les cousins, les frères, les sœurs. Et que ces mamans, voilà, ont la détermination et l'énergie pour encore porter le combat. Il faut les soutenir. On recule s'il vous plaît les journalistes, on va avancer, donc si vous voulez prendre des photos et vidéos, on recule, merci. Allez, on recule s'il vous plaît. On avance. Pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain d'âme. Bon voilà, il y a du monde hein, pour les gilets jaunes, vous reconnaissez. On est souvent passé par ici, c'est Barbès. Les gilets jaunes qui d'ailleurs ont été parmi les premiers à amener leur soutien en fait quand il s'est passé ça. On faisait récemment une interview avec Yessa, une des mamans du collectif de la défense des jeunes du Mantois qui parlait tout à l'heure. Et qui nous disait ça justement, que les gilets jaunes très très vite ont apporté leur soutien et cette scène d'humiliation était aussi devenue une scène de résistance et en symbole, voilà, les gilets jaunes partout en France se sont mis aussi à genoux face aux policiers pour témoigner leur soutien. Alors certes, c'était un geste de se mettre à genoux, mais qui voulait vraiment, vraiment dire que la solidarité était vraiment debout et très présente. Contre les violences policières ! Contre l'apartheid social ! Contre la hogla ! Contre le racisme d'État ! Contre les violences policières ! Contre l'arbitraire ! Contre la misère sociale qu'on voudrait nous imposer. On est déterre. Contre Castaner. On est déterre. Contre Normand. On est déterre. On est déterre et on est fiers. Et là, en marchant, on se dit qu'il y a déjà eu trop de marches. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand il va falloir marcher contre les violences policières ? Par le passé, il y a eu des morts. On marche aussi pour eux aujourd'hui. On pense fort aux familles de Ziad et Bouna. On pense aussi à nos morts, à Mantajoli, à Youssef Kaïf. À Dawit Taouya. Voilà, vous pouvez toujours nous rejoindre, on vient tout juste de partir de Barbès. La manifestation descend le boulevard Magenta et va jusqu'à République. Sur le parking de l'Agora, à ce moment-là, il y a des mamans. Et leur seule inquiétude, c'est que leurs gamins ne finissent pas au commissariat de Mantajoli. Parce qu'on sait comment nos gamins sont traités. Alors elles attendent, elles espèrent, elles sont même soulagées de savoir que leurs gamins étaient emmenés à Trappes. Pour aller leur cours, pour Versailles. Il faut savoir que parmi les gamins qui étaient agenouillés ce jour-là, certains avaient été passés à tabac quelques semaines auparavant dans les locaux du commissariat de Montagnoli. Des familles ont porté plainte. Je pense à mon amie Myriam, dont le fils est là. Avant que son gamin soit agenouillé le 6 décembre, elle avait porté plainte en février. Son gamin a été tabassé dans les locaux du commissariat de Montagnoli. Donc évidemment, nous mamans, ce jour-là, quand on se trouve dans la rue, on a peur parce qu'on sait de quoi la police est capable. On a peur parce qu'on sait de quoi l'État est capable. On a peur parce qu'on sait que ces gamins-là, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils seront discriminés et parfois tués dans la rue, des balles dans le dos. On pense au fils, au frère d'Amal Bentounsi. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! On ne pardonne pas! On n'oublie pas! Daronne d'été contre Castaner! Daronne d'été contre Castaner! Daronne d'été contre Castaner! Maman en colère contre Castaner! Maman en colère contre Castaner! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Contre le racisme d'État! Contre la grève, contre l'apartheid sociale, parce que c'est aussi une affaire de l'apartheid sociale. Parce que quand nos gamins décident de se mobiliser pour ce qui les concerne, tout de suite, qu'est-ce que l'on répond l'État? On les a agenouillés. Et lorsqu'ils ont agenouillé nos enfants, c'est toute une communauté, toute une ville qu'on a mis à genoux. On ne pardonnera pas, on n'oubliera pas, on est déterminés pour que la justice soit rendue, pour qu'enfin, dans ce pays qui se dit être un état de droit, pour qu'enfin l'iniquité au niveau de la justice cesse, pour que l'inégalité sociale cesse. Parce que quand on cumule le fait d'être un jeune arabe ou noir, un jeune musulman, et qu'en plus on habite le quartier du Val-Fouré ou n'importe quelle autre cité d'immigration ailleurs en France, on part avec trois handicaps. Et vous ajoutez à cela la misère sociale, les inégalités sociales. C'est-à-dire que nos gamins, ce jour-là, quand ils se mobilisent, ils savent l'impact que cette réforme qui est Parcoursup va avoir sur leur avenir scolaire et professionnel. Ils savent que la sélection, ça leur foire leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un gamin de Montagnoli ou d'ailleurs décide de s'inscrire dans une fac qu'il ne peut plus le faire, ça ne se fait plus de manière démocratique. Et nos gamins, ce jour-là, ils en sont conscients. Lorsqu'ils font blocus, c'est aussi pour ça. Et je le dis, les médias mainstream ce jour-là, les jours qui ont précédé, se sont focalisés sur quoi? Sur les dégradations de mobilier urbain. Mais qu'est-ce que c'est à côté de la violence que nos gamins se prennent au quotidien? Au quotidien, lorsqu'ils se rendent sur le chemin de l'école, lorsqu'ils sont palpés, fouillés, humiliés, contrôlés au faciès, lorsqu'au pied de leur tour, on l'interdit même d'occuper leur espace public. Donc on marche contre ça. On marchera à chaque fois qu'on prenne une soutien contre toutes les violences policières, quelles qu'elles soient, et avant qu'un mort ne vienne s'ajouter à cette trop longue liste. Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Debout! Enfants à genoux! Maman, debout! Enfants à genoux! Maman, debout! Enfants à genoux! Maman, debout! On est là, même si les flics veulent pas tout, on est là. Pour justice et dignité contre l'état policier, même si les flics veulent pas nous, on est là. On est là. On est là. Même si les flics veulent pas nous, on est là. Pour justice et dignité contre l'état policier, même si les flics veulent pas, on est là. Et vous êtes là. On est là. Et on n'oublie pas, on pardonne pas, et on n'oublie pas, on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n'oublie pas, et on pardonne pas, et on n debout. On lâchera pas l'affaire et violence policière. Justice arbitraire. Mantois debout. On lâchera pas l'affaire et violence policière. Justice arbitraire. Et Mantois debout. On lâchera pas l'affaire. Plus fort Mantois debout. On lâchera pas l'affaire et violence policière. Justice arbitraire. Et Mantois debout. On lâchera pas l'affaire. Et Mantois debout. On lâchera pas l'affaire. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre, il faut que ça cesse. Prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Chou, chou, le rythme sur la route, tu connais la soirée. Plus de doute, le poissier assassin fait partie des gens qu'on écoute. Des coups qu'on redoute, mais sur écoute, les RG sont sur ma route. Vu qu'on ouvre notre gueule quand l'État français assassine, on ne laisse pas passer le crime. Non, on ne laisse pas passer le crime. Si je laisse passer le crime d'hier, demain, ce sera des larmes sur les joues de ma mère. Mes mains, je positionne sur la feuille, même un jour de deuil. Le terrain est hostile à mon style. Écrivain assassin, j'ai écrit l'État assassine avec un goût amer. L'État policier n'a pas épargné la vie de Bouziane Abdelkader, ni celle de Jawad Zawiya. Paix à leur famille et justice pour ces cas, que la lumière brille. Même si le rap est bastonné sur des radios nationales, la plupart des groupes vendent leur putain d'âme au chétal. On sait pourquoi on est dans le hip-hop depuis tant d'années, pour que ceux qui n'ont pas de bas puissent être entendus et respectés. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, cesse, cesse, cesse. La liste est longue, trop longue, pour qu'on nous plombe. Trop de lames coulent sur les tombes d'innocents en grand nombre. Et pire c'est que ça se passe comme ça dans tout pays. Trop de crimes impunis, torture et sodomie. Dans les commissariats de notre république ou de leur dictature, je m'implique même si dans le paysage représente la rature. Toi tu seras toujours l'ordure qui s'est cru au-dessus des lois. Ton uniforme n'est pas une armure, crois-moi. On ne va pas laisser passer en France, pays des droits de l'homme, des mises à l'amende comme dans le tiers-monde par des bâtards sous toutes leurs formes. Sous toutes leurs formes. Killa, killa. Sous toutes leurs formes. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, cesse, cesse, cesse. C'est dramatique, tragique pour notre république. Antidémocratique quand la justice mène au trafic. Hit sur hit, je décapite l'élite. Procureurs et magistrats se mêlent dans les coups de l'État. Et dans l'affaire Lafarge, personne n'oublie Malika. Vous voulez qu'on respecte votre état policier, alors que le policier Hiblo soit jugé pour ce qu'il est. Qu'on arrête de nous tirer dessus comme du gibier. Arrêtez vos coups de pression pendant vos contrôles d'identité. Arrêtez de nous contrôler quand on n'a rien à se reprocher. Si vous vous emmerdez quand vous patrouillez, changez de métier. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, cesse, cesse, cesse. Toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Donc, on va commencer les annonces. Alors, la première annonce, ça nous vient de l'Université de Nantes en lutte. Et ça se passe aujourd'hui. Et il y a eu, à midi, il y a une... À partir du midi. Donc, c'est déjà commencé. Vous pouvez rejoindre les personnes. À l'amphi 2 de Sensive, il y a une AG pour se retrouver et s'organiser suite donc à la grève... La semaine de grève qui a débuté donc le jeudi 5 décembre. Toujours aujourd'hui. Alors, je vais faire un peu de bruit, je suis désolée, je vais baisser mon micro. J'ai oublié de rappeler que c'était à Nantes en fait. Bon, j'ai dit Université de Nantes en lutte, parce que si on nous écoute d'ailleurs, il faut préciser que c'est à Nantes. Donc, toujours aujourd'hui, cette fois-ci à Saint-Nazaire, il y a un rassemblement. Un rassemblement à 15h45 à l'arrêt de bus devant la mairie, et c'est un rassemblement en soutien à trois familles de Saint-Nazaire qui ont été déboutées du droit d'asile et qui sont menacées d'être expulsées de leur logement avant la fin décembre. Et pour rappeler les faits, je vais vous lire la lettre ouverte qui a été écrite par le collectif Unis contre l'immigration jetable et le collectif de soutien aux personnes sans papiers. Et c'est une lettre ouverte qui a été écrite au préfet. Monsieur le préfet, une vingtaine de familles étrangères hébergées à Saint-Nazaire dans les CADA, donc c'est les centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Les centres d'accueil de demandeurs d'asile, oui. Donc, une vingtaine de familles étrangères hébergées à Saint-Nazaire dans les CADA sont en danger de se retrouver à la rue, et cela dans les jours qui viennent, pour au moins trois d'entre elles. Malgré des courriers qu'elles vous ont adressés pour indiquer la vulnérabilité de leur situation en attente de régularisation, vous avez, en un premier temps, demandé aux structures d'accueil CADA de faire pression pour leur faire quitter leur logement sans leur proposer de situation de relogement. Puis, vous avez demandé au tribunal administratif, via une procédure en référé, dite « mesure utile », de vous autoriser à expulser ces personnes dans des délais de 15 jours en recourant, si nécessaire, à la force publique. La décision d'expulsion avant fin décembre est arrivée pour trois familles. Monsieur le préfet, 14 personnes à la rue, dont 8 enfants scolarisés de la maternelle au lycée, ici, à Saint-Nazaire, dans la plus grande précarité et en pleine période hivernale, c'est plus que choquant. Il est choquant que vous osiez prétendre qu'il n'est pas établi que les enfants seraient exposés à des risques graves pour leur santé et leur sécurité. Il est choquant que ces familles soient exclues du dispositif d'hébergement d'urgence. C'est contraire aux recommandations du Code de l'action sociale et des familles. C'est en référence à ce code que le 1er décembre, le ministre du Logement, Julien de Normandie, a demandé au préfet du Rhône de surseoir aux expulsions. Ce code prévoit que toute personne en détresse doit pouvoir avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier des prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène. Et donc ça, c'est l'article L345-2 du Code de l'action sociale et des familles. Le code y prévoit aussi de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'y demeurer dès lors qu'elle le souhaite, donc la personne le souhaite, jusqu'à ce que l'orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Révoltés par la brutalité et l'inhumanité de cette politique d'exclusion, des citoyens qui sont membres d'associations ou pas, parents d'élèves, enseignants, etc., ont déjà manifesté le 6 novembre à Saint-Nazaire pour dire ce qui est intolérable. Et donc, je rappelle, c'est un rassemblement aujourd'hui, mercredi 11 décembre, devant la mairie à 15h45 pour soutenir ces trois familles qui sont menacées d'expulsion à Saint-Nazaire. Alors, un prochain rendez-vous, donc la prochaine annonce, c'est toujours du côté de Saint-Nazaire, c'est une réunion non mixte qui a lieu ce soir, donc à partir de 18h30, au local autogéré des Amis de Mai, 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Les Amis, on précise que les Amis de Mai, c'est une jeune association nazérienne qui fonctionne en autogestion. Créé en mixité par des personnes venues d'horizons divers, nous voulons réfléchir et combattre toutes les formes de domination issues du monde capitaliste. Parmi ses membres, quelques personnes ont à cœur d'évoquer les dominations sexistes et de genre et de proposer des espaces de parole sans mec cis. Alors, il est précisé que S6, toute personne ne remettant pas en question le genre qui lui a été attribué à la naissance. Pour ce faire, il nous est apparu nécessaire de créer un temps en non-mixité, incluant les personnes LGBTQI+. Au programme, cette fois, un florilège de petites vidéos tirées au sort. Films d'animation, points de vue de militantes, extraits de films, etc. De quoi nourrir nos réflexions et d'éventuels débats. Si vous êtes accompagné de vos enfants car vous n'avez pas de solution de babysitting, vous êtes les bienvenus. Vous êtes et ils sont les bienvenus. Cette soirée fonctionnera en mode auberge espagnole, donc ramenez des victuailles à partager. Et le contact, donc les amis de May, c'est ladm.noblogs.org. Donc c'est le site et le contact, c'est lesamisdemay@riseup.net. Moi, je vais vous lire une invitation pour une première rencontre d'organisation de manifestation de convergence des luttes contre les grands projets inutiles du Grand Ouest à Nantes. Donc ça se passe aujourd'hui à 19h à Nantes. Début septembre, nous nous réunissions le temps d'un week-end avec plusieurs collectifs de lutte contre les grands et petits projets inutiles du Grand Ouest. Donc le Grand Ouest, ça comprend la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par la Bretagne et les Pays de la Loire. Et cela a débouché sur la création d'un Framatime des luttes de l'Ouest. Pour se sortir de l'isolement, se coordonner et s'entraider dans les luttes locales. Il y a quelques semaines, à la suite de reporters, nous avons créé une carte des petits et grands projets inutiles du Grand Ouest pour mettre en avant les résistances en cours, mais aussi les projets qui ne sont pas encore contestés, mais n'en sont pas moins absurdes et dangereux. Donc là, cette carte, elle est disponible sur le site de Terre Commune, c'est terre-commune.ziki.fr. Les projets auxquels nous devons nous opposer sont nombreux, et il est temps de se fédérer pour faire comprendre aux collectivités et entrepreneurs entrepreneuses que nous ne voulons plus voir notre planète souillée par les projets mortifères d'un autre temps. Pour cela, nous vous proposons d'organiser ensemble un grand temps de mobilisation dans le Grand Ouest contre ces projets et leur monde, à Nantes, en mars, à la veille des municipales, pour montrer que nous sommes nombreuses et déterminées à nous y opposer. Donc un premier temps de coordination est prévu aujourd'hui, donc à 19h, à la Maison du Peuple de Nantes, et vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Et si vous venez de loin, il y a aussi moyen apparemment de trouver des petites places pour dormir au besoin. Cette première réunion aura pour but de caler la date de la mobilisation de mars, rédiger un appel régional à mobilisation et commencer à préparer cette grande mobilisation. Deux autres temps seront prévus en janvier et en février sur une journée, sans doute un samedi, et nous réfléchirons ensemble à la manière d'inclure les personnes qui ne pourront pas se déplacer pour que chacun puisse y participer et pour avoir le temps d'imaginer d'autres formes de convergence, d'aborder d'autres sujets concernant nos luttes, partager nos expériences et s'entraider. Donc je rappelle, ça se passe aujourd'hui à partir de 19h à la Maison du Peuple de Nantes, 17 rue du Chapeau Rouge. Et si vous voulez plus d'infos, il y a donc le site terre-commune.ziki.fr et un email de contact terre-commune@gmail.com. Alors là, moi, je peux continuer avec cette prochaine annonce. C'est le même collectif qu'on peut retrouver aussi lors d'une soirée discussion autour des luttes donc de ce collectif. Ça se passera demain soir à Saint-Nazaire, aux Amis de May dont nous venons de parler précédemment. À partir de 19h, il y aura une auberge espagnole et une présentation du collectif et des discussions, débats à partir de 20h. Donc, comme tu l'as dit, vous pouvez retrouver des informations sur ce collectif qui est très actif contre le projet de surf park à Saint-Père-en-Ré. Donc sur leur site terre-commune.ziki.fr. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait une petite pause ? On peut faire une petite pause. Thank you. وين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطي تعلم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك زهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي نعطيك وصايتي ديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرالك اسرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال غافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. Donc nous continuons les annonces. La prochaine annonce, ça se passe demain, jeudi 12 décembre. L'auberge de jeunesse de la Manu, je crois que c'est à partir de 19h, je n'ai pas noté l'heure, mais ça s'intitule « Arpentage, la question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public ». C'est organisé par l'Université populaire de Nantes. Les personnes qui veulent participer peuvent s'inscrire sur un Framaforms, donc c'est framaforms.org/arpentage, la question climatique. Je vous lis la petite présentation. Donc à propos du livre, Au cours des années 2000, la montée en puissance de la question climatique dans les médias généralistes français, en rendant plus évident les dégâts environnementaux provoqués par le capitalisme, aurait pu conduire à interroger l'emprise des rationalités marchandes sur l'organisation des sociétés. Revenant sur la genèse et le déroulement ordinaire de ce débat public, ce livre montre comment s'est au contraire imposé une vision dépolitisée de la question climatique. Pour attirer l'attention des journalistes, les défenseurs conventionnels de cette cause doivent en livrer une version consensuelle propre à satisfaire les verdicts du plus grand nombre entre guillemets. Et ils développent alors une entreprise de moralisation des individus, ce qui, du même coup, met à l'abri de la critique les logiques économiques et politiques, engendrant la catastrophe écologique en cours. Et ce, d'autant plus que les prescriptions éco-citoyennes, entre guillemets, occultent le coût environnemental plus élevé des styles de vie socialement valorisés, permettant ainsi aux plus favorisés de faire valoir leur bonne volonté écologique sans avoir à questionner leurs aspirations consuméristes. Loin d'être neutre, la dépolitisation des enjeux climatiques conforte une organisation sociale hautement inégalitaire et écologiquement dévastatrice. C'est donc à une sociologie des mécanismes concourant à la préservation de l'ordre établi que contribue l'enquête présentée dans ce livre. Ce faisant, elle ouvre des pistes pour penser autrement et au-delà du seul cas français, une transformation sociale et écologique des sociétés de marché, entre guillemets. Donc il a rappelé qu'un l'arpentage c'est un outil de lecture collective qui est issu de la culture ouvrière, imaginé et utilisé en particulier par les cercles ouvriers à partir du 19e siècle. Il s'agit de lire un ouvrage, un article ou une brochure collectivement en la découpant en plusieurs parties. Chaque participante et participant lit une partie de l'ouvrage. Des consignes sont proposées pour faciliter la restitution que chaque lecteur et lectrice fera au reste du groupe. La restitution a pour objectif de favoriser le partage d'une compréhension globale de l'ouvrage et d'une vision propre au groupe de son contenu. Inutile de lire le livre avant de venir, nous vous conseillons même de ne pas le faire. Donc c'est demain, jeudi, à l'auberge de jeunesse de la Manu. C'est à 19h, il me semble. Donc vous pouvez retrouver ces informations sur, je pense, le Facebook Université Populaire de Nantes. Eh ben moi, je vais vous causer du lancement des garderies populaires. Pour soutenir le vaste mouvement de grève contre le gouvernement, pour pouvoir aller en manif ou en blocage, ou au contraire participer logistiquement à faire tenir la grève, les garderies populaires du pays nantais voient le jour. Elles vont accueillir les enfants à partir de 3 ans et toute la journée. Alors, je vous donnerai les horaires après. Je vais d'abord vous lire leur manifeste. Besoin de faire garder tes enfants alors que tu es dans le froid à un piquet de grève ou à participer à une action de ton comité de grève? Les GP sont là. Marre de garder les gosses pendant que ton mec est en manif? Les GP sont là. Envie de participer au rapport de force contre le gouvernement au-delà des manifestations et des blocages? Les GP sont là. Après le jour historique de grève du jeudi 5 décembre, nous sommes plusieurs à avoir été sur les blocages, âgés et différents piquets de grève de Nantes et de ses alentours. Nous savons que pour que les grèves aient une chance de faire tomber le gouvernement, il faut qu'elles soient accompagnées de manifestations déterminées, de multiples blocages, mais avant tout, il faut qu'elles soient dures. Pourtant, plein de personnes n'ont pas une place centrale dans l'appareil de production et ne peuvent pas faire grève. Intérim, période d'essai, cours CDD, etc. Ou ne se sentent pas de participer à toutes les manifs ou blocages. Et pour que la grève soit dure, il faut qu'elle soit soutenue financièrement et logistiquement. C'est là que nous intervenons. Ravitaillement alimentaire, garde d'enfants, préparation de matériel pour les manifestations et blocages, c'est tout un contre-pouvoir qui se construit dans le soutien de la grève. Sur les piquets, les projets de garderie collective ont eu de l'écho normal dans une société capitaliste. Il s'agit de remplacer le travail reproductif, repas, garde, éducation, travail affectif avec les enfants, assuré par les femmes, par une organisation collective qui doit libérer du patriarcat celles qu'ils veulent lutter dans la rue, dans la grève, sur les piquets, partout, en fait. Cette grève sera féministe ou ne sera pas. Vive la grève, vive la lutte des femmes, vive le contre-pouvoir populaire. Donc comment ça marche concrètement? La garderie populaire, donc déjà elle se situe au 102 rue de Saint-Jacques à Nantes, accès tram ligne 2, 3 à Ripierre-Mille. C'est un immeuble qui abrite plusieurs organismes de formation et l'éducation populaire. Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans, pensez à des vêtements de rechange si besoin. Une décharge vous sera demandée à votre arrivée, le document sera sur place. Une fiche d'information, éventuels problèmes de santé, allergies, contacts sur place, ainsi que le carnet de santé de votre enfant vous seront demandés. Deux numéros de téléphone à joindre en cas d'urgence devront nous être communiqués. Sur un jour de manifestation, l'un des deux devra absolument appartenir à une personne n'y étant pas. Et il y a des lits pour la sieste, des jeux, des espaces calmes, des activités, une cour extérieure, de quoi être tranquille pour continuer la lutte. Si vous laissez vos enfants toute la journée, pensez à apporter un pique-nique, le goûter est déjà prévu. Donc là, il y a déjà des dates, donc mercredi 11, donc aujourd'hui, jeudi 12, donc de 9h à 18h, et samedi 14, de 13h à 18h, sachant que samedi, il y aura aussi une réunion à 10h pour découvrir, s'investir et agir. Donc voilà, il y a un numéro de téléphone, si ça vous intéresse, c'est 07 53 34 48 24, et il y a aussi une adresse mail, garderie au pluriel, populaire au pluriel, pays nantais, @riseup.net. Donc la prochaine annonce, donc c'est l'émission de radio qui est diffusée tous les dimanches de midi à 13h sur Jet FM, c'est Casse-Muraille. Donc Casse-Muraille s'adresse aux détenus et leurs proches pour qu'ils et elles puissent transmettre des messages sans que l'administration pénitentiaire s'en mêle. C'est aussi une émission contre les prisons pour rompre l'isolement, contourner la censure et témoigner de ce qui se passe entre les murs. Avec Casse-Muraille, tu peux laisser un message ou une dédicace en direct ou quand tu veux, par téléphone, par email, Facebook ou courrier. Ce sera diffusé pendant l'émission. Donc pour laisser des messages, vous pouvez envoyer donc par téléphone une messagerie vocale, SMS ou en direct au 07 82 98 43 59, par email casse-muraille tout attaché, muraille avec un S, @riseup.net, et la page Facebook de casse-muraille. Sinon le par courrier, c'est casse-muraille chez Jet FM, Le Grand B, 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain. Donc c'est dimanche, vous écoutez Casse-Muraille tous les dimanches, de midi à 13h sur Jet FM. Et moi je vais enchaîner avec les... Moi aussi j'ai une annonce. Alors depuis plusieurs jours, il y a rue du Général Buat, des gens qui manifestent contre les élections en Algérie. Ils manifestent tous les jours. Si vous voulez les soutenir, ben c'est rue du Général Buat, c'est juste avant le rond-point de Paris. Vous pouvez aller crier avec eux « Le vote Macash, le vote Macash !»« je vote, car je suis un veau, et tous les veaux votent, gloire au Godillo !» Et du coup, moi, je vais enchaîner sur les rendez-vous de la grève, donc de cette grève contre les réformes des retraites, mais bien plus. Les prochains rendez-vous... Bah, déjà, on peut dire que ce matin, il y avait un rendez-vous à 6h au rond-point qui s'appelle le QG des lutteurs. C'est un rond-point de Gilets jaunes. Et du coup, c'était un rendez-vous filtrage et information. Et c'est dans la zone aéroportuaire. Il y a aujourd'hui à 15h un rendez-vous banderole, atelier banderole et création. C'est au QG de lutte. Alors ça fait un peu QG des lutteurs, QG de lutte. Alors le QG de lutte, c'est un lieu qui a été ouvert à Nantes. Et ça s'appelle aussi la Bourse du Travail. C'est 6 rues de la Prairie au Duc. Et tout le monde est invité à aller s'investir et à passer dans ce lieu. Donc à 15h, il y aura un atelier banderole et création. Et il y a une AG à 18h tous les jours dans ce lieu. Ce soir, à confirmer aussi, il y aurait peut-être une déambulation nocturne en centre-ville. Le rassemblement serait à Bouffay à 19h30, si c'est confirmé. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, à 7h30, il y a une action dans la zone de la Minguet, à Carquefou. Une action autour de la plateforme logistique de la Poste et du centre de tri d'Amazon. À 10h, une manif avec un rendez-vous au rond-point d'Armor, qui est donc une entrée du périphérique à Nantes. À 10h aussi, il y a un atelier communication au QG de lutte 6 rue Boulevard de la Prairie au Duc à Nantes. Et à 18h, une assemblée toujours au QG 6 Boulevard de la Prairie au Duc. Je rappelle encore l'adresse. Donc voilà, ça c'est les rendez-vous d'aujourd'hui et demain. Il y a des chances qu'il y ait une manif samedi. Ce serait étrange qu'il n'y ait pas de manif, même si je n'ai pas encore trouvé d'annonce. Mais en fait, on peut se dire que depuis un an, à 13h, à la croisée des trams, presque tous les samedis, même quand il n'y a pas manif, il y a des gilets jaunes qui sont là. On peut aussi se dire que la colère accumulée depuis un certain nombre de temps, notamment autour des lois antisociales, mais aussi des lois racistes, des lois sécuritaires, etc. Et ben, cette colère, elle s'agrège et peut-être elle pourrait partir en manif samedi. Voilà. Et pour vous tenir informés de tout ça. Déjà, vous pouvez aller sur le site nantes.indymedia.org où il y a un suivi de la lutte et puis un suivi des rendez-vous. Il y a aussi un site qui s'appelle nantesinfogreffe.data.blog. On mettra le lien sur notre site. Et du coup, sur ce site-là, en fait, il y a aussi l'agenda et des retours sur les actions qui ont déjà eu lieu. Vous pouvez aussi écouter Radio Cayenne, qui est une radio sur Internet, que vous pouvez écouter sur radiocayenne.antirep.net, qui n'émet pas tous les jours, et vous pouvez aller voir sur leur blog radiocayenne.noblogs.org. On mettra aussi les liens sur notre blog. Cette radio, elle fait un peu du suivi de lutte, et aussi elle était en live hier pendant la manif, et du coup elle faisait le suivi de la manif de Nantes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez d'autres endroits où on trouve des infos. Je voulais préciser, pour le rassemblement contre le vote en Algérie, c'est aujourd'hui, demain et peut-être après-demain. Ok. Voilà. Et tu sais où on peut trouver les infos Il doit y avoir un site Facebook, je ne sais pas trop, sur les Algériens nantais de Nantes, enfin okay. Algériens nantais. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est aussi chercher et du coup mettre ça sur le blog pour vous, chers auditeurs, et que vous puissiez suivre aussi les infos de cette lutte. Tout en sachant que c'est demain les élections en Algérie et les élections ont déjà commencé en France, et ce qui a fait que on en a parlé dans les médias, on n'en a pas parlé par rapport à Nantes. Pourtant, il y a eu des gens qui manifestaient. Je l'ai su par hasard en passant juste devant le consulat. Ouais. Apparemment, il y a une volonté de d'étouffer. La France n'est pas très claire par rapport aux élections qui se passent en Algérie. Elle est un peu coincée entre le fait de condamner et puis de se faire traiter d'ingérence. Et de ne rien dire et en fait apporter un soutien implicite au gouvernement algérien. Voilà. C'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose de fort, de tragique, parce qu'il y a depuis presque 9 mois, il y a des manifestations quasi 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, des manifs de nuit, des manifs partout avec des revendications qui devrait interpeller, mais là, silence radio. Voilà. À suivre. Et les médias ont suivi le début du mouvement, ont parlé en début de mouvement et ont arrêté. Et ont arrêté ensuite d'en parler comme si c'était terminé et comme si. Si on avait eu des black blocs, peut-être qu'on aurait parlé de nous, mais là, les manifestations politiques, on n'en a rien à foutre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Un petit peu de musique ? يلانا فراس في اللانواس كوكو قرمش في الكمية كوكو قرمش في الكمية فراس يا عياق نواس تحمى أنس قم ذي ثور تتعسى انس قوم ذي ثور فتحسا وقت لا توب وقت لا توب الشهر ياس ذي الجيب لا بس امور يمس في التسطى امور يمس في التسطى كريدي ما كاش ماشي ذرش امعلم يحمل النظام امعلم يحمل النظام وقت لا وقت لا Il est 7h. 7h du mat, dernier étage de la tour New Air, quartier Euro-Nantes. Tu commences à bosser à 8h. Tu sais d'ores et déjà qu'une voiture sans chauffeur passera te prendre à 7h30. Aujourd'hui, t'es super motivé. Ton boss préféré a réservé sur Airbnb des places dans le nouvel immeuble entièrement open space qui a ouvert quelques jours auparavant sur l'île de Nantes. Tu vas rencontrer d'autres start-upers qui, comme toi, fabriquent la ville de demain. Et ça, ça t'enthousiasme. Tout en buvant le café, que depuis la dernière loi sur la transition écologique, toi et tes voisins êtes obligés de faire pousser sur le toit végétal de l'immeuble, tu demandes à ton assistant personnel un résumé du trajet de la matinée. La circulation est fluide ce matin. Nous gagnons 15 minutes sur le trajet habituel. Pour optimiser le temps gagné, j'ai demandé au frigo de fournir la liste des courses et nous allons passer par le Market Drive. Je sais que tu préfères l'envoyer par internet, mais le Market Drive offre un tout nouveau lecteur RFID de frigo à tous ceux qui y auront déposé leur liste en personne. Un drone passera comme d'habitude déposer les courses avant ton retour du travail. 20h30, tu rentres du boulot plus tôt que d'habitude. Ambiance un peu nostalgique, tu te rappelles du temps où le travail était limité à 35 heures par semaine en France. Mais tu es vite tiré de ta rêvasserie par le véhicule qui te ramène chez toi. Attention, les éboueurs font des blocages dans le centre-ville. Nous allons emprunter le périphérique pour rentrer. Merci de poser tes mains sur le volant, nous allons passer en conduite semi-automatique. Temps de trajet prévu, 30 minutes. Tu détestes prendre le périph. C'est une route où véhicules autonomes et vieilles voitures sont obligés de se côtoyer. Il y a en effet bien longtemps que les voitures sans pilote automatique sont interdites en ville. La circulation est dense, et comme il n'y a pas que des voitures capables de communiquer entre elles, le véhicule te force à mettre les mains sur ton volant. T'es dégoûté, impossible de jouer à Candy Crush. Décidément, tu détestes vraiment le périph. Et puis passer par là, t'oblige à terminer ton trajet en passant par quelques bourgs où habitent désormais les personnes qui ne peuvent plus se payer de logement dans la Smart City. Tu t'es habitué à ne croiser que des cadres dynamiques et autres start-upers heureux. Tout le monde ou presque autour de toi gagne 4 à 6 000 euros par mois. Et tu ne comprends vraiment pas pourquoi les habitants et habitantes des bourgs ne se bougent pas plus le cul que ça. Parce qu'après tout, ce niveau de vie, toi, tu l'as bien mérité. Tu appréhendes l'accident. En ville, il y a bien longtemps aussi que les smartphones sont obligatoires. Ce sont eux qui permettent aux véhicules et autres robots de détecter les êtres humains, de les éviter ou de communiquer avec elles et eux. Le gouvernement précédent avait bien tenté de faire passer une loi obligeant chaque être humain à être doté d'une puce d'identification, mais une grève générale et des émeutes avaient éclaté et les avaient forcés à reculer, au moins pour un temps. Depuis, c'est le smartphone qui fait office de puçage et celles et ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas entrer dans la ville. Il est maintenant 21h. Tu as réussi à rentrer chez toi sans accident. Avant de prendre un repos que tu estimes bien mérité, tu vas checker ton compteur Linky pour voir combien tu as produit d'énergie aujourd'hui. Ta mini éolienne de balcon, tes panneaux solaires et ton lombricompost ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Tu as même gagné 300 points de crédit énergie et tu ne seras pas obligé d'aller pédaler dans la mini-centrale en bas de chez toi pour pouvoir te rendre au boulot demain. Tu vas même pouvoir te confectionner un petit plat maison et le manger devant une série. 23h, petit tour sur la terrasse panoramique. Tu observes l'écoquartier autour de toi, t'es contente, et tu te dis que c'est quand même drôlement bien foutu la ville. On est toujours dans le magazine Libertaire et c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, 12h05, sur Jet FM. Bonne semaine, ciao. Ciao. À tout de suite dans la rue. D'azur à chaque fois que ma zone me désole. J'ai pris plaisir à saisir chaque césure de ces airs. Depuis mon désir d'asile des armes désormais César. Pointer des hymnes, ce vide qui réside dans les yeux des êtres. Maintenant je ne fume la résine qu'à des heures désertes. Sinon ça me dessert de spiche, je suis en quête d'essor. Et c'est sûr que la conscience du temps qui passe me dévore. Je dois redoubler d'efforts pour pas que la vie me laisse en plan. Et vu d'en bas le chemin à parcourir, ma foi paraît sanglant. Que la montagne est haute, en route pour l'ascension. La tension est palpable et j'ai besoin de toute mon attention. Je lutte contre ce qui me pollue l'esprit. Noie l'instant, tu l'inspires, ce qui m'abrutit et brouille l'instinct. Ce qui m'empêche d'écrire mon destin. Efface ce qui me distingue, ce que j'allume qui m'éteint. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester. Je veux pas sombrer, pas périr, pas planer, je veux atterrir, garder le cap, m'aguerrir, réagir, ne pas gémir, acquérir le savoir suffisant pour pas me faire bananer. J'aime à dire que c'est ce que je mets derrière mes vœux de bonne année. Que chaque jour soit une occasion, un nouveau tremplin. Bouscule cette foutue routine, elle coupe la chic et l'entrain. J'ai l'ambition de trouver l'endroit où la douceur étreint. Ne pas me perdre dans les limbes d'un monde en déclin. À chaque époque, son nuage de fumée, sa fiction, son style de diversion et son collier d'addiction. Le même souci pour sauvegarder la hiérarchie des rangs. Y'a 15 milliards de façons différentes de desserrer les dents. Te faire gober la pilule dans un sommeil profond. Trop content d'être enfermé dans ton propre cocon. Ne plus sentir que le sens de l'histoire te fait faux bond. Ne plus sentir quand la matraque s'enfonce dans le colon. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester. Departure from the after future. Woke in the age of rumor. Finally back to post-truth. Signal cancel all views. Unemployed on short fuse. Fake news is old news. Been fake ever since colonials done conquered, dude. Reforming Babylonians, the mouth of our last words. 1440, late date, we back to pre-Gutenberg. Reset the printing press, cut off the last text chat. Snap my paychecks, WhatsApp, hack the rest. Rejected, connected to the central directive. To keep us all in corrections, foregoing all the elections. We afflicted, addicted, microwaves in the system. Past the age of the piston, too late to shut up and listen. Too busy racking up hits and liking sights with the tits in. Take this tweet with a rhythm, fuck you with your algorithm. You on the bottle, full throttle, go cop a ball if you gotta. Rock the halls was the model, now it's point, click and fire. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester connecté. Connecté, connecté, je veux rester connecté. Connecté, connecté, je dois rester. Quelqu'un. Tout le monde dit que c'est la première fois le plus difficile parce que t'as pas le choix. Moi je dis que c'est la deuxième fois. Parce que là tu t'aperçois que t'as ça en toi. Ce dialogue est une représentation fictive de la réalité violente qui gangrène nos quartiers. Toute ressemblance avec les personnages existants ou ayant existé est volontaire. Pas le temps de faire de la lutte à libre. J'aurais aimé, je te le dis, je marche calibré. Un de nous devint rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je veux tuer un homme. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. J'aurais aimé, je te le dis, je marche calibré. Un de nous devint rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. Changera jamais. Je sais que mon petit frère a déconné, mais la famille c'est sacré, tu connais. Je tournais encore quand le daron est parti. Je m'en veux à mort, je dois veiller sur le petit. Je suis pas du des problèmes, mais si une mère doit pleurer, alors ce sera la sienne, ouais. Je fumerai même à contre-cœur. Le petit Farid lui a collé un traqueur. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. Jour et nuit, je te le dis, je marche calibré. De nous deux va rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. Jour et nuit, je te le dis, je marche calibré. De nous deux va rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. Qu'on déboule un raptor, frérot, frérot. Pourtant je pousse les rapports avec les armes de Terminator. Frérot, frérot, t'aimes pas, écoute-moi mon frère. On pourra plus faire marche arrière. Frérot, frérot, après ça l'ange de la mort va nous pousser en enfer. On assumera les conséquences, eh, Dieu sait qu'elles seront terribles. Eh, la cavale, le placard, les parleurs, ta mère forcément va pleurer des rivières. Eh, sans compter qu'on n'est pas à l'abri qu'un de nous puisse finir sur la civière. Eh, on est des amis d'enfance, on rêvait de finir à Mexico pépère. Eh, en plus tout le monde est au courant que lui a des problèmes avec toi. Que le chante sur tous les toits, crois-moi, au beat d'un pas t'appuies sur la cachette. Le premier qui vont péter c'est toi. Demba, t'es pas conscient, t'es max, GP 800. Demba, en vrai, pas d'innocent. Des liasses de billets ne pourront pas essuyer le sang. Eh. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. Jour et nuit, je te le dis, je marche calibré. De nous deux va rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. Jour et nuit, je te le dis, je marche calibré. De nous deux va rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. Dans cette jungle où tout le monde veut s'allumer. Depuis tout le monde a des flingues, bah tout le monde veut s'affirmer. On a un vécu de dingue, on a le cœur abîmé. Chacun sa rue et son gang, tout le monde peut se faire fumer. Des larmes de pète sur le sol et le chétan en rigole. Ça fait pas toi un bonhomme parce que t'as tué un homme. Des larmes de pète sur le sol et le chétan en rigole. Ça fait pas toi un bonhomme parce que t'as tué un homme. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. Jour et nuit, je te le dis, je marche calibré. Un de nous deux va rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. J'ai pas le temps de faire de la lutte à libre. Jour et nuit, je te le dis, je marche calibré. Un de nous deux va rester sur le sol. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. Tuer un homme. Je ne voulais pas, mais je vais tuer un homme. Tuer un homme est un des actes les plus graves que puisse commettre un être humain, petit frère. Un aller sans retour possible. Ne prends pas ça à la légère.